pensez quoi? Tu décris ma fierté pour quelques billets verts. J'ai su rester solide, mais moi cette année, je viens tous les plier, frère. Et j'attends l'avenir fait ferme, j'ai géré des efforts. Pas déçu d'avoir touché le fond, car en remontant, je suis resté fort. Les forces, croire en ce qui est bon dans ce monde, à croire que tout est bon. J'oublierai pas les vagues de tristesse, même si l'eau coule sous les ponts. Partage un spliff pour me sentir ailleurs. Je voudrais me barrer d'ici, mais quand mes digues, mes bêtes sont tirées ailleurs. D'ailleurs crois pas tout ce qu'on dit. Certains pleurent tout l'or du monde, tout en portant du vice qu'on dit. Les condés peuvent plus qu'on dire, peut agir sur leur matraque. Non c'est pas des gardiens de la paix, je vois que de la haine quand ils m'attrapent. Et je vous emmerde, j'emmerde vos discours tout fait. Je vois que l'état nous laisse dans la merde, car on finit par y étouffer. Puis tu feu, tout flamme. Je m'en fous si ça plaît pas, t'inquiète, je viendrai tout embraser. Mais quand le climat s'apaisera, malheur fuck. Pense à maman mon pote, il est dans sa maman de compote. Celui qui fait des gros bravos pour les billets vers jaune compote. Tu peux plus compter sur les autres, tu peux compter que sur ton père. Eh ma gueule, oublie ton frère, il te laissera crever le cœur ouvert. Quand ça fait mal, je me roule un terre. J'appelle Sissi ou Stan, j'appelle pas quand j'ai une embrouille. Si tu me cherches, c'est solo constat, ça me fait serrer ce que je constate. Y'a plus d'amitié pour un petit, pour un violet. Ça peut même jalouser ton taf. Y'a plus de respect, ça lève des vies. Ça laisse des mères en pleurs. S'il te plaît, gamberge, ce que je t'ai dit avant de faire livrer ton scooter. Les keufs te pètent, et s'ils te pètent pas, ils te pèteront. Mets-toi ça dans la tête, parce que c'est pas tes potes qui t'aideront. Eh. Tooms. Eh. Mets-toi ça dans la tête, parce que c'est pas tes potes qui t'aideront. Eh. Mets-toi ça dans la tête. Eh. Eh. Mets-toi ça dans la tête, eh. Les keufs te pètent, et s'ils te pètent pas, ils te pèteront. Mets-toi ça dans la tête, parce que c'est pas tes potes qui t'aideront. J'ai grandi, j'ai vu ce que c'est d'arrêter l'école et de vouloir jouer les hommes avec le premier qui déconne. Tu vas voir, c'est plein d'embrouilles. La vie, c'est pas les coms. Et ben, y'en a qui collent parce qu'ils ont le cerveau qui décolle. Sert à rien de t'afficher, de comique au fichier. T'as voulu te faire de l'argent de poche, donc y'a ton place dans les fichiers. Et mon pote, tu sais, ça me fait chier. Voir les frères au mal, voir que de la galère aux mamas. C'est trop comme elle est pure ton âme. Ils sont tarés, ils calculent pas ce qui peut leur arriver. J'déboîte l'amour, ils connaissent pas, ils connaissent que c'est arrivé. Tu savais comme j'en ai marre. Envie de le prendre à coup de marteau. Envie d'y aurait Delmar, mais je crois qu'ils veulent couler mon bateau. On défeinte, ils inventent des stories louches. Faut semblant que c'est des potes, mais en vrai sur mes sous ils louches. Moi je cache mes yeux, mes oreilles et ma bouche. Parce que je veux ni finir aux cieux, ni me faire chlasser dans la douche. Putain c'est chaud, quand je vois comme m'oublie taf. Alors je comprends que le soir, ils rentrent, ils fait que tirer des taf. Aïe, hey, je comprends. M'oublie. Eh oui, m'oublie. Yeah. Un couplet, ouais, un de plus, putain, je m'arrête plus. Je mène à danse toujours précis comme un ballet russe. Off, une gare au 8-6 devant l'arrêt de bus. J'ai rendez-vous avec quelques années de plus. Cause, perd du gosse, percé près du poste. Ton pose, cherche plus de raison, fais les choses. Ouais, ouais, sert du gros son. Un quotidien en morceaux, découpé dans la cave. Taillé pour pousser les murs avec du turbo zoom. On débarque en équipe, 16 barres et un bête sûr. En 2-4-6, on va te servir, un 16. C'est pour mes experts en débrouille et petit Nesby. Ça fait bang bang dans l'enceinte comme du Sega sous la berline. Je mets ma ville sur la carte, derrière la vie de l'appart. Allume le toast pour Arbyte, un premier repérage. Je mets ma ville sur la carte, derrière la vie de l'appart. Allume le toast pour Arbyte, premier repérage. La 25ème, yeah, yeah, c'est ciao. Yeah, il est minuit 03 exactement, les lumières s'éteignent. Bonne année. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus autour de la table, tous ceux et tout, et celle qui est venue autour de la table. Open mic, 23h, minuit. Merci, on en refera de toute façon. Je vous invite à passer à côté, on va prendre une grande photo tous ensemble. Pour le reste, ceux qui aiment bien les bails de night, tout ça, mercredi prochain avec Molly, vous pouvez aller prendre les préventes pour la soirée Passage Secret. 10 balles, soyez malin, soyez malin. Et sinon, bah, je vous dis bonne soirée. Nous, on est là, on va rendre l'antenne. Allez, ciao, ciao, ciao. Travailler et ça sans jamais rechigner. Moi midi je me lève à peine, je passe mes journées à glander. J'ai pas taffé la flemme de chercher. Elle fait tout pour sa mère, tout pour la rendre fière. Elle calcule aucun mec du quartier. Moi j'aimerais tellement lui plaire, mais mes potes me répètent, avec elle tu peux oublier. Mais quand je l'ai croisée dans cette soirée, je pensais pourtant que ça allait foirer. En tête à tête avec mon verre, je me suis décidé à lui parler. Elle s'est marrée, on s'est vu, on s'est rappelé, on s'est baladé, on s'est posé. Quand elle m'a embrassé, tous mes sens sont explosés. ressemble à personne. Elle préfère rester seule que d'être mal accompagnée. Moi je sais rien faire tout seul à part jouer à la console. J'ai besoin des autres pour exister. Elle a son caractère, elle a les pieds sur terre, mais ça ne m'empêche pas de rêver. Moi chaque nuit je rêve d'elle, mais mes potes me répètent, elle tout ce qu'elle veut c'est se marier. Mais que j'ai croisé dans cette soirée quand j'étais sûr que ça allait foirer. Malgré ce que tout le monde disait, j'ai bien fait d'aller lui parler. C'est comme si le temps s'était arrêté tout le jour où elle m'a embrassé. Comme si elle m'avait délivré d'une malédiction qu'elle a su briser. Voilà. Sud. J'ai pas le time pour toi. J'ai pas effort. Là tu fais trop d'efforts. C'est bye là. C'est pour les mecs comme toi. Ta clé pour des pipettes. Ça va claquer pour des pipettes. Ça va claquer crack. Pour les bombayes. Ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang. Oh game. Boy ne joue pas. Bang bang bang. J'suis gang. Oh game. Boy ne joue pas. Bang bang bang. Bla bla bla bla. Ferme la porte à la cookie dans le sas. Bla bla bla bla cookie. Ferme la porte à la cookie dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah ah, j'ai vu dans ça. Bébé veut du sale. Allo allo allo. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé veut du sale. Allo allo allo. Million dollars, bébé tu veux ça. Bébé, tu veux ça. Oh c'est chaud là, oh. Oh c'est chaud là. Oh c'est chaud là, oh. Oh c'est chaud là. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah ah, j'ai vu dans ça. Sorry. Radio Sud. Besançon, 101.8 FM. Down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for a Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah, I tried to show him. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger Flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coupes. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers some, wish it some, was the news. Someone said, surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. Someone said, surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. This shit way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. Told her hop in, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Had to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open, it's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. Someone said, shorty face, Tommy out the blue. Someone said, someone said, motherfucker, someone said, don't play us the week. Astro. Yeah, yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Yeah. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy. Like a light, ayy. Like a light, ayy. Slept through the flight, ayy. Not for the night. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down a block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, no, never. It's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like where is he? No one seen him, I'm tryna clean him. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. Woo. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light, like a light, like a light, yeah. Like a light, like a light. Yeah, Pastor Dawson Selly sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on lock. I say you know this shit is tight. Yeah, it's absolute. Yeah, yeah. I'm back with boot. It's lit. La Ferrari. Jamba Juice, yeah. We back on the road, they jumping off no parachute. Yeah, shorty in the back, she say she working on the glutes. Yeah, oh my God. Ain't by the book, yeah. It's how it look, yeah.